Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Le ministre de l'Énergie met en garde tous les pétroliers spéculateurs dans la distribution de carburant et les somme de servir normalement le carburant dès demain. Comme Manira Kiza affirme que d'après les enquêtes menées, la quantité de carburant mise en consommation n'a pas changé depuis le début de l'année. Vous l'entendrez. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya émet des inquiétudes sur la coïncidence entre la mise sur pied aujourd'hui de l'Observatoire de lutte contre le génocide et le processus d'amendement de la Constitution en cours. Néanmoins, il pense que la réussite de cet observatoire pourra dissiper les peurs. Vous suivrez son analyse dans ce journal. Et puis la Commission nationale indépendante des droits de l'homme affirme qu'elle participera à la séance de présentation du rapport oral sur les droits de l'homme au Burundi qui se fera du 14 au 15 juin à Genève. Le président de cette commission regrette l'anticipation des communicateurs de la présidence de la République sur le sujet. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Toutes les stations-service ayant du carburant dans leur stock sont exigées à servir à leurs clients dès ce jeudi. Le ministre de l'Énergie indique que les pénuries du carburant observées ces derniers jours relèvent des spéculations de certains pétroliers. Dans une enquête menée, ce ministère dit avoir constaté que la quantité du carburant mise en consommation n'a pas changé depuis le début de cette année. Suivez plutôt le ministre comme Manira Kiza, c'était au cours d'une conférence de presse. Dès ce jeudi 8 juin 2017, toutes les stations-service disposant des produits pétroliers sont priées de servir les clients sans spéculation aucune. La pose des écriteaux à l'entrée, fermée ou ouverte, reste de rigueur. Une visite dans toutes les stations-service et autres dépôts des produits pétroliers est organisé à partir de ce jeudi 8 juin 2017. Un entrepôt pétrolier ou une station-service qui sera surpris en disposition d'une quantité de carburant stockée clandestinement sera sévèrement sanctionné suivant la réglementation en vigueur au Burundi. Les gestionnaires de ces établissements pétroliers sont appelés à disponibiliser à tout moment leurs livres de stock ainsi que les outils de jaugeage. Les mesures antérieurement prises restent de stricte application. Le ministère de l'Énergie et des Mines demande aux services compétents, chacun en ce qui le concerne, d'appuyer sérieusement pour que ces présentes mesures soient mises en application comme il se doit. Comme Manira Kiza, c'est le ministre en charge de la gestion du carburant. La mise en place de l'Observatoire national chargé de lutter contre les génocides et d'autres crimes internationaux avait tardé. L'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, estime qu'il faut faire attention, surtout que le projet de loi mettant en place cet organe intervient alors que l'on est dans le processus de changer la Constitution. On l'écoute. Il intervient au moment où également il y a un débat dans notre pays sur la nécessité ou non de revoir, de réviser ou d'amender notre Constitution. Une Constitution, c'est tout un ensemble dont les composantes s'équilibrent entre elles. Ce qui veut dire que quand vous touchez sur une composante, cela peut perturber ou désorganiser l'ensemble de cette constitution. Vous voyez par exemple qu'au niveau des institutions, il y a des institutions qui sont chargées de la gestion quotidienne de l'État. Et si c'est le gouvernement, il y a l'institution qui donne les moyens à l'État, au gouvernement, autant au niveau des lois qu'au niveau du vote de la loi budgétaire. Mais vous voyez que dans notre constitution aussi, il y a toute une série d'autres conseils qui ont été prévus pour être des cadres dans lesquels se gèrent certaines questions et qui peuvent même servir, j'allais dire, de laboratoire pour le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif pour poursuivre les objectifs majeurs consignés dans la constitution. Ça veut dire donc que comme la Constitution est le socle légal sur lequel repose l'organisation et le fonctionnement de l'État, tout ce que cette Constitution prévoit doit être absolument mis en place. Sinon, ça se déséquilibre. Et effectivement, vous constatez que depuis la signature de l'accord d'Arusha et l'adoption de la Constitution qui en a été issue en 2005, il y a effectivement certains organes de l'État qui n'ont pas été mis en place, comme le Conseil national, pour l'unité nationale, et Je trouvais que donc on avait pris beaucoup de temps pour mettre en place cet organe-là et les autres. Il en est de même d'ailleurs ici, je peux le rappeler, de la Haute Cour de justice. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi, depuis pratiquement que notre constitution est en place, on n'a pas encore franchi le pas pour mettre en place la Haute Cour de justice. L'ancien président Sylvestre Ntibantunganya estime que si l'on réussit la mise en place de cet observatoire, il pourrait aider à résoudre la question de génocide qui ressurgit ces derniers jours et à disciper les peurs. Dans ce processus de mise en place, il faudrait veiller à ce que nous regardions d'abord notre constitution pour nous convaincre les uns et les autres que c'est de elle que nous devons chercher les solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Et on peut les trouver. Et c'est pourquoi je considère que la mise en place de cet organe pourrait également aider par rapport à cette question de génocide dont on entend d'ailleurs parler aujourd'hui dans les débats qui se mènent, dans les peurs qui s'expriment, dans les incertitudes qui sont vécues. Et là, cet organe est mis en place selon des principes bien établis. Je pense effectivement que ça pourrait servir de cadre auquel ceux qui seraient inquiétés par cette question pourraient s'adresser et espérer trouver des réponses. Et si cet observatoire avait été mis en place comme ça avait été imaginé dans l'accord d'Arusha et dans la loi de 2003, ça aurait prévenu le conflit de 2015? Ce n'est pas seulement cet observatoire, c'est également les autres organes dont j'ai parlé, dont notamment le Conseil de l'Unité Nationale. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on a entendues ou qu'on entend aujourd'hui et qui peut-être auraient pu trouver des structures de réponse si ces structures étaient en place. Les gens s'inquiétaient sur ceci ou sur cela. Et je pense que quand ces structures sont là, les gens ont où poser les questions. Par exemple, ceux qui sont aujourd'hui inquiétés que le pays risque de subir des préjudices par rapport justement à cette question de génocide. Je pense que c'est une façon d'y répondre. Si les organes de l'État sont là, dont ceux concernés justement par cette question comme le Conseil national pour l'unité nationale et l'Observatoire, ce sont des cadres dans lesquels on peut s'adresser pour justement, s'il y a enquête à faire, enquêter sur ces questions, s'il y a des conseils à donner, donner des conseils, s'il y a même des décisions à prendre, prendre ces décisions. C'est pourquoi, encore une fois, j'insiste, avant de penser réformer une constitution, il faut d'abord être engagé à mettre en place tout ce qu'elle prévoit pour l'équilibre entre les institutions et en voie de conséquence pour la stabilisation d'un pays. L'ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya, répondait aux questions de Joseph Nsabiyabandi. Parlons maintenant justice et droits de l'homme. L'Association des avocats africains affirme que la paix et la sécurité règnent sur le territoire burundais. Cela ressort du rapport de mission que cette association a effectué au mois de novembre 2017. Selon Aimé Laurentine Kanyana, la ministre burundaise de la Justice, ce rapport reflète la situation réelle du pays et n'a aucun lien avec la réunion de Genève sur les droits de l'homme au Burundi. Suivez-la. Au lieu de parler du Burundi sans toutefois connaître la réalité, ils sont venus, ils ont visité la ville de Bujumbura, les différentes communes de Bujumbura rurale, même à l'intérieur du pays. Ils ont constaté que la paix règne sur tout le territoire du Burundi. Et également, ils ont constaté que les violations des droits de l'homme qui sont relatées à travers les faux rapports qui sont donnés par les détracteurs du pouvoir ne sont pas du tout correctes, ne sont pas fondées. Ils ont constaté que la situation des droits de l'homme au Burundi n'est pas alarmante comme certaines personnes mal intentionnées le disent. Donc, ils ont constaté que toutes les institutions sont là, que le Burundi est un état de droit qui fonctionne normalement, conformément à la loi. La présentation de ce rapport peut-être aurait des liens avec la prochaine séance qui va se tenir à Genève concernant les droits de l'homme. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment un lien quelconque. Peut-être une influence que ce rapport voudrait avoir sur les assises qui vont se tenir à Genève, parce que c'est un rapport qui est présenté aujourd'hui, mais sur une situation qui prévalait au mois de novembre 2016. Donc, sur ce qui va se passer à Genève, je crois que notre pays se comporte très bien. Donc, il n'y a rien de spécial qu'on peut présenter sur le Burundi, ça sera une évaluation normale de la situation des droits de l'homme au Burundi, comme on l'a fait pour d'autres pays. Aimé Laurentine Kanyana, c'est la ministre burundaise de la Justice, dont les propos ont été recueillis par Charles Makoto. Et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme participera à la séance de présentation du rapport oral sur les droits de l'homme au Burundi qui se fera du 14 au 15 juin à Genève. Jean-Baptiste Bariwonekeza, président de la CNIDH, déclare que ce sera une occasion de donner la vraie version de la situation des droits de l'homme au Burundi. Il dit cela après que les communicateurs de la présidence de la République aient organisé une conférence débat au cours de laquelle ils ont indiqué que rien de bon ne sortira de cette séance de Genève. Suivez Jean-Baptiste Bariwonekeza. La CNIDH évidemment répondra présent à son rendez-vous. Certainement que c'est une belle opportunité pour échanger sur la situation des droits de l'homme qui prévaut dans le pays et de faire le point des différents événements qu'on a observés depuis la dernière session du Conseil au mois de mars. Il sera nécessaire de reconnaître, n'est-ce pas, les avancées qu'on note, notamment sur le plan sécuritaire. Les améliorations sont notables, aussi du point de vue des droits de l'homme. Il y a beaucoup de changements par rapport à la période précédente. Mais nous allons en même temps porter à l'attention du Conseil les différentes préoccupations que nous continuons à observer, que ce soit notamment sur le plan de la sécurité ou bien sur le plan, par exemple, des préoccupations liées au trafic des êtres humains. Le bureau de la présidence a organisé un débat où il a donné son point de vue sur ce qui pourrait contenir dans le rapport qui va être exposé à Genève. Qu'est-ce que vous pouvez dire au sein de la CNIDH pour ce qui est de la prise de position qui a été faite par le bureau de la présidence? Il est nécessaire de ne pas anticiper sur les échanges qu'il y aura à Genève. Et tout d'abord, la session de juin n'est pas une session décisive, c'est une session de dialogue. Il n'y aura pas un rapport écrit de la part des experts des Nations Unies, mais ce sera plutôt un compte-rendu verbal par rapport à l'état d'avancement de leur enquête et aux choses qu'ils savent. Le point que les experts vont faire sera basé essentiellement sur les informations recueillies de la part de la revue documentaire éventuelle qu'ils ont faite et aussi des choses que les gens leur ont racontées, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore pris le temps de venir au Burundi pour mener une enquête sur le terrain. Et nous pensons que ce sera un point qui est basé essentiellement sur les informations recueillies à partir de sources secondaires, pour ainsi dire. Voilà, c'était le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme qui s'est exprimé également sur le cas du jeune homme qui a été frappé par les jeunes Imbonerakure, affilié au CNDD-FDD à Makamba. Jean-Baptiste Bariwonekeza a indiqué que sa commission mènera une enquête pour déterminer les responsabilités dans cette affaire afin de rétablir ce jeune homme dans ses droits. Et puis, dans ce journal également, l'usine de fabrication de la boisson Gouganeza, située à la 2e avenue du quartier Gasekebouye, a été fermée ce mardi par la mairie de Bujumbura. Une bonne quantité de cette boisson a été déversée. Toutefois, cette boisson reste présente dans certaines boutiques et alimentations. Ceux qui en consomment ignorent si cette boisson est nuisible ou non à la santé humaine. Ils demandent que la qualité de ces produits soit d'abord analysée avant d'être commercialisée. Reportage d'Oban Yonkourou. Certains des consommateurs de cette boisson ignorent ses effets sur la santé humaine. Pour eux, ce genre de boisson ne devrait pas être mis sur le marché avant que leur qualité ne soit contrôlée. Dans le ménage du quartier Gasekebouye, 2e avenue de la zone Moussaga, où est fabriquée la boisson Gouganeza Drink, l'on sent des odeurs nauséabondes avec des objets sales qui prouvent le manque de soin dans la fabrication et fermentation de cette boisson. Personne n'a osé nous dire les produits utilisés dans la fabrication de cette boisson Gouganeza. Mais sur les étiquettes de son emballage, on y voit certains ingrédients comme le thé vert, le gingembre et le sucre. Les fabricants ajoutent aussi que cette boisson et énergisante aide à lutter contre l'obésité ainsi que d'autres de ses bienfaits. Toutefois, aucun contrôle par un organe compétent de sa qualité n'a encore été mené. Bien que le maire de la ville de Bujumbura ait fermé cette usine de fabrication, ces boissons restent présentes sur le marché. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Nouvelle des provinces à présent, la police a appréhendé 6 personnes originaires des provinces Muyinga et Kirundo pour usage de faux documents et un cachet imité de l'Office burundais des recettes. Le porte-parole de la police invite la population à dénoncer ce genre de criminels partout dans le pays. Dieudonné Nzeyimana pour plus de détails. 6 hommes sont au cachot de la police judiciaire de Muyinga pour faux usage de faux. trois originaires d'Okirundo sont poursuivis pour avoir fabriqué des fausses quittances de paiement au comptant et en cachet imité de l'office burundais des recettes. Les trois autres sont des chauffeurs ayant commis des infractions qui auraient pu être sanctionnées par des amendes. Et au lieu d'aller payer à l'office burundais des recettes, ils se sont fiés à ces faussaires. Des quittances avec des vignettes retirées sur d'autres marchandises comme des téléphones étaient délivrées par ces présumés criminels, d'après Pierre Moulikier, porte-parole de la police, qui les qualifie d'ennemis du pays. Dans un point de presse animé à Muyinga, mercredi, ce porte-parole de la police lance un message que tous ceux qui possèdent des documents douteux quant à leur authenticité approchent les corps de police pour vérification. Message adressé à tous les résidents du pays. D'autres criminels avec le même mode opérationnel opéreraient aussi dans d'autres localités du pays, et spécialement à Bujumbura. Vous savez que ces personnes appréhendées mardi venaient de passer 4 mois à délivrer de faux documents. Difficile de connaître pour l'instant le manque à gagner causé par ce phénomène au trésor public. Et d'entrée, prétendant être propriétaire d'un faux cachet, révèle tranquillement avoir pensé à ce système de vol juste pour gagner de l'argent. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga pour la radio, Isanganiro. Merci Dieudonné. Un certain Nirandekura Eric, habitant la colline Rubira en commune Manda de la province Bubanza, est porté disparu depuis 2 semaines. Un de ses ravisseurs est détenu au cachot de la police de Kamenge à Bujumbura. Et la famille de la victime demande que ce détenu soit transféré à Bubanza pour qu'elle puisse mieux suivre ce dossier. Spes Caritas Kabanyana. Le chef de colline Rubira dans la commune de Manda dénonce la circulation des gens non connus sur la colline Rubira et qui enlève même des personnes, comme ça a été le cas pour un certain Eric Nirandekura, enlevé en date du 22 mai et qui reste sans nouvelles jusqu'aujourd'hui. Salimana Léonard, chef de colline Rubira, l'a dit ce mardi au cours d'une réunion de sécurité que tenait le gouverneur à Bubanza. L'antidianino Fabien, parlementaire élu dans la circonscription de Bubanza, déplore les faits et dit que Nirandekura Eric a été kidnappé par une équipe de personnes qui ont même emporté sa moto. Il dénonce ici certains des ravisseurs. Lorsque Eric est arrivé à côté du véhicule, il a été enlevé et mis dans le véhicule. Ce n'est que 2 jours après qu'on a appris que le Shadrach avait fait un accident. On ne sait pas si c'était la même moto ou une autre moto. Il a cogné une personne et il a été conduit à la zone Kamenge. Il était accusé d'avoir fait un accident. Et le dossier d'enlèvement et de vol du moto s'est ajouté au dossier. La famille de la victime demande que le présumé auteur Shadrach, aujourd'hui détenu au cachot de police à Kamenge, soit transféré au cachot de Bubanza afin qu'elle puisse mieux suivre ce dossier. Bubanza, Spécialitas Kabanyana, Radio Isanganiro. Merci Spes. Les programmes de certains cours comme la science et technologie ne sont pas encore achevés dans certaines écoles ayant la 9e fondamentale dans la province Ngozi à 2 semaines de la passation du concours national d'orientation et de certification. Les enseignants ont juste jusqu'à ce vendredi pour achever la matière, quitte à réserver la dernière semaine aux exercices dits épreuves type afin de faire un pas en avant dans ce concours par rapport à l'année passée, selon le directeur provincial de l'enseignement à Ngozi. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle quelques titres avant de nous séparer. Le ministre de l'Énergie met en garde tous les pétroliers spéculateurs dans la distribution du carburant et les sommes de servir normalement dès demain jeudi. Comme Manuela Kiza affirme que d'après les enquêtes menées, la quantité de carburant mise en consommation n'a pas changé depuis le début de l'année. Et l'ancien président Sylvestre Ntihangwanya émet des inquiétudes sur la coïncidence entre la mise sur pied aujourd'hui de l'Observatoire de lutte contre le génocide et le processus d'amendement de la Constitution en cours. Néanmoins, il pense que la réussite de cet observatoire pourra dissiper les peurs. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, c'est Jean Bosco d'Ouimana. Ne tournez pas le bouton. Nos programmes continuent. Une bonne soirée chez vous. Au revoir.